Bonjour. Bonjour, cher ami. Tu voulais quelque chose? Je voulais seulement savoir si tu as bien dormi. J'ai dormi d'un sommeil profond. Pas un rêve. Et toi? Très bien, merci. Mais au petit matin... Il y a longtemps que je ne me suis pas senti le cœur aussi léger. C'est une bonne chose, vraiment, d'avoir enfin parlé. Oui, tu n'aurais pas dû te taire aussi longtemps, Rosmer. Je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi lâche. Ce n'était pas vraiment de la lâcheté. Si, si, tu sais. À bien y réfléchir, il y avait là une part de lâcheté. C'était d'autant plus courageux d'en finir. Mais maintenant, je veux te dire ce que j'ai fait, et il ne faut pas m'en faire grief. Grief ? Et comment peux-tu croire ? Car c'était peut-être de ma part un peu arbitraire, mais... Voyons, raconte-moi. Hier soir, alors que cet Ulrich Brendel allait partir, je lui ai donné un petit mot pour Mortensgaard. Ma chère Rebecca, enfin, que lui as-tu écrit ? Qu'il te rendrait un grand service en s'occupant de ce pauvre homme et en l'aidant de son mieux. Ma chère, tu n'aurais pas dû. Cela ne peut que nuire à Brendel. Et Mortensgaard est un homme avec lequel je désire garder mes distances. Tu sais bien les problèmes que j'ai eus avec lui un jour. Mais tu ne crois pas qu'il serait bon maintenant de te réconcilier? Moi, avec Mortensgaard, pourquoi? Eh bien, parce que tu es désormais vulnérable, depuis ce qui s'est passé entre tes amis et toi. Mais as-tu vraiment pu croire que Kroll ou un autre d'entre eux voudrait se venger? Qu'il serait capable de... Sur un coup de sang, mon ami, on ne sait jamais. Il me semble, vu la manière dont le proviseur a réagi... Oh, tu devrais tout de même mieux le connaître. Kroll est un parfait homme d'honneur. Cet après-midi, j'irai en ville lui parler. Je veux leur parler. À tous. Oh, tu verras, tout se passera bien. Et qui a-t-il, Madame Elsette? Le proviseur Kroll est en bas dans le vestibule. Kroll? Le proviseur, tiens donc. Il demande s'il peut monter parler avec le pasteur. Et qu'est-ce que je disais? Mais bien sûr qu'il peut monter. Monte, cher ami. Tu es le bienvenu. Je savais bien que ce n'était pas la dernière fois. Aujourd'hui, je vois les choses sous un tout autre jour. N'est-ce pas, Kroll? Tu te ravises, maintenant que tu as pu réfléchir. Tu te méprends totalement. Il est impératif que je puisse te parler, seul à seul. Mais pourquoi mademoiselle West ne pourrait-elle pas... Non, non, monsieur Rosmer, je m'en vais. Et que mademoiselle m'excuse d'être venue si tôt. Vous surprendre avant même que vous ayez eu le temps de... Comment ça? Avez-vous quelque objection à ce que je sois en peignoir à la maison? Oh, Dieu m'en garde, j'ignore aujourd'hui les usages en vigueur à Rosmersholm. Mais, Kroll, je ne te reconnais plus. Le respect, monsieur le proviseur. Avec ta permission. Oui, mon cher, asseyons-nous et parlons ouvertement. Je n'ai pas fermé l'œil depuis hier. J'ai ressassé mes pensées toute la nuit. Et que dis-tu aujourd'hui? Ce sera long, Rosmer. Permets-moi de commencer par une sorte de préambule. J'ai des nouvelles à te donner d'Ulrich Brendel. Il est venu chez toi? Non. Il a échoué dans un bouge infâme, en compagnie des plus infâmes, bien entendu. Il a bu et régalé les gens tant qu'il a pu, après quoi il a traité tout son monde de crapules et de canailles, c'est en quoi il avait raison d'ailleurs. Mais il s'est pris une raclée et il a fini dans le ruisseau. Il est donc incorrigible pour finir. Il avait aussi mis le manteau en gage. Et le gage aurait été payé. Peux-tu deviner par qui? Par toi, peut-être? Non. Par le noble sieur Mortensgaard. Oh, vraiment? Je me suis laissé dire que la première visite de Monsieur Brendel a été pour cet idiot et ce plébéien. Et sans doute une chance pour lui. Certainement, mais là, nous touchons à une affaire pour laquelle je dois, en raison de notre vieille... de notre amitié passée, te mettre en garde. Mais qui est-il donc, mon cher? Il y a quelqu'un dans cette maison qui joue son jeu derrière ton dos. Mais comment peux-tu croire ça? Est-ce à Reb? Est-ce à mademoiselle West que tu fais allusion? Exactement. Je comprends fort bien de sa part. Elle a pris depuis si longtemps l'habitude de tout régenter ici, mais tout de même. Mon cher Kroll, tu te trompes totalement. Elle et moi, nous n'avons rien à nous cacher. Elle t'a donc avoué qu'elle a une correspondance avec le rédacteur du Phare? Ah, tu veux parler de ces quelques lignes qu'elle a données à Ulrich Brendel? Donc, tu es au courant. Et tu approuves qu'elle a une relation épistolaire avec ce journaliste à scandale qui, chaque semaine, cherche à me clouer au pilori tant pour mon œuvre d'éducateur que pour mon action publique. Mon cher, elle n'a certainement pas envisagé ce côté-là des choses. Et d'ailleurs, elle est entièrement libre d'agir. Comme je le suis moi-même. Ah, vraiment? Ah oui, cela s'accorde sans doute avec la nouvelle direction que tu as prise. Et je suppose que ton point de vue, Mademoiselle West, le partage aussi. Certainement, nous avons pris confiance l'un dans l'autre. Aveugle que tu es, homme ensorcelé. Mais pourquoi dis-tu ça? Parce que je n'ose pas, ne veux pas croire au pire. Laisse-moi parler. Tu attaches vraiment du prix à mon amitié, Rosmer? Et à mon estime aussi, n'est-ce pas? À cette question, je me passe de répondre. Bon, mais il en est d'autres qui exigent une réponse. Une complète explication de ta part. Accepterais-tu que je procède à une sorte d'interrogatoire? Un interrogatoire? Oui. Que je t'interroge sur certains faits qu'il t'est peut-être pénible d'évoquer. Vois-tu, ton reniement, ou ta libération, comme tu l'appelles, est lié à tant d'autres faits que tu me dois, dans ton propre intérêt, une explication. Pose-moi toutes les questions que tu veux, je n'ai rien à cacher. Alors, dis-moi, quelle est, selon toi, la raison profonde du suicide de Béate? Peux-tu avoir un doute à ce sujet? Autrement dit, peut-on jamais savoir pourquoi une malheureuse malade déséquilibrée passe à l'acte? Es-tu sûr que Béate était à ce point déséquilibrée? Les médecins, en tout cas, pensaient que ce n'était peut-être pas si certain. Mais si les médecins l'avaient vue telle que je l'ai vue, moi, pendant des jours et des nuits, ils n'en auraient pas douté. Je n'en doutais pas non plus à l'époque. Il était malheureusement impossible d'en douter. Je t'ai parlé de sa passion sauvage, effrénée, qu'elle exigeait que je partage. Oh, la peur qu'elle m'inspirait. Et puis ses reproches infondés dont elle s'accablait dans les dernières années. Oui, dès lors qu'elle a su qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Tu en conviens. Un tel tourment harcelant, cruel, alors qu'elle n'y pouvait rien. Mais en quoi était-elle équilibrée? Te souviens-tu si, à l'époque, tu avais chez toi des livres qui traitaient du sens du mariage, selon les idées progressistes à la mode? Je me rappelle que Mademoiselle West m'avait prêté un tel ouvrage, car elle a hérité de la bibliothèque du docteur, comme tu le sais. Mais... Mon cher, tu n'imagines tout de même pas que nous ayons commis l'imprudence d'initier la pauvre malade à ces choses. Je t'assure solennellement que nous n'y sommes pour rien. Ce sont les nerfs de son cerveau détraqué qui furent cause de son égarement. En tout cas, je peux te dire une chose à présent. C'est que la pauvre Béate que l'on sait, torturée, exaltée, s'est suicidée pour que tu puisses vivre heureux, que tu puisses vivre libre. Et selon ton désir. Que veux-tu dire? Il faut m'écouter calmement, Rosner. Maintenant, je peux t'en parler. Dans la dernière année de sa vie, elle est venue par deux fois chez moi, clamer son angoisse et son désespoir. À ce sujet? Non. La première fois, elle prétendait que tu étais sur la voie du reniement, que tu voulais rompre avec la foi de tes ancêtres. Mais ce que tu dis là est impossible, Kroll. Absolument impossible. Tu dois te tromper. Mais pourquoi? Eh bien parce que tant qu'a vécu Béate, j'étais encore dans le doute et en lutte avec moi-même. Et cette lutte, je l'ai soutenue seule et dans le plus complet silence. Je ne crois même pas que Rebecca... Rebecca? Enfin, Mademoiselle West, je l'appelle Rebecca par commodité. Ouais, je l'avais remarqué, oui. Aussi, je ne comprends pas comment Béate en soit venue à cette idée. Et pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Car elle ne l'a jamais fait. Pas un mot. Jamais. La pauvre, elle m'a supplié de t'en parler. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Mais pouvais-je alors douter un seul instant qu'elle n'ait l'esprit troublé? Une telle accusation contre un homme comme toi. Et puis, elle est revenue. Environ un mois plus tard, elle paraissait plus calme, mais en partant, elle a dit « Maintenant, on peut s'attendre à voir bientôt le cheval blanc de Rosmer Solm. » Oui, oui, le cheval blanc, elle en parlait souvent. Et comme j'essayais de la détourner de ses sombres pensées, elle a simplement répondu « Je n'en ai plus pour longtemps. Car maintenant, Johannes doit se marier sans tarder avec Rebecca. » Qu'est-ce que tu dis? Moi, me marier avec? C'était un jeudi après-midi. Le samedi soir, elle s'est jetée de la passerelle dans le torrent du moulin. Et tu n'as pas cherché à nous alerter? Tu sais bien, comme elle disait à qui voulait l'entendre, qu'elle allait sûrement bientôt mourir. Je sais, mais Tout de même, tu aurais dû nous alerter. J'y ai pensé, mais il était trop tard. Mais pourquoi n'as-tu pas, par la suite, pourquoi l'avoir tué? Mais à quoi bon venir ici te torturer, te tourmenter encore plus? J'ai tenu tout cela pour creux, pour pure divagation, jusqu'à hier soir. Mais plus maintenant. Béate ne voyait-elle pas clair quand elle disait que tu allais renier la foi de ton enfance? Oui, mais je n'y comprends rien. C'est pour moi totalement inexplicable. Inexplicable ou non, c'est ainsi. Et maintenant, je te demande, Rosmer, quelle part de vérité y a-t-il dans sa seconde accusation? Dans la dernière, je veux dire. Son accusation? Et qu'est-ce une accusation? Tu n'as donc pas remarqué quel terme elle a utilisé? Elle voulait disparaître, disait-elle. Pourquoi? Hein? Pour que je puisse me marier avec Rebecca. Ce ne sont pas exactement ces mots. Béate s'est exprimée autrement. Elle a dit « Je n'en ai plus pour longtemps, car maintenant Johannes doit se marier sans tarder avec Rebecca. » Maintenant, je te comprends, Kroll. Alors, qu'as-tu à répondre? Mais c'est inouï. La seule réponse possible serait de te montrer la porte. Fort bien. Écoute, depuis plus d'un an, depuis que Béat est partie, Rebecca West et moi, nous vivons seuls à Rosmersholm. Depuis tout ce temps, tu connaissais l'accusation de Béat à notre rencontre, mais pas un seul instant, je n'ai remarqué que t'offusquais de nous voir, Rebecca et moi vivrons ensemble ici. Mais je ne savais pas, avant hier soir, que c'était un homme déchu et une femme libérée qui menait cette vie commune. Ah, tu ne crois donc pas que chez des êtres déchus et libérés puissent trouver un esprit de pureté. Tu ne crois pas qu'ils puissent avoir en eux, par nature, une exigence morale? Je ne fais pas grand cas d'une morale qui ne s'enracine pas dans la foi de l'Église. Et cela s'applique aussi à Rebecca et moi, à mes relations avec Rebecca? Même par égard pour vous deux, je ne peux me départir de l'idée, car rien sépare la libre pensée de... De quoi? De l'amour libre, puisque tu tiens à l'entendre. Et tu n'as pas honte de me dire ça, toi qui me connais depuis ma prime jeunesse? Justement, je sais à quel point tu te laisses influencer par ceux qui t'entourent. Et de cette Rebecca, enfin, cette demoiselle West, d'elle, nous ne savons pas grand-chose. Bref, Rosmer, je ne t'abandonne pas, mais tâche toi-même de te sauver à temps. Me sauver? Mais comment peux-tu? Que voulez-vous? Je voulais prier mademoiselle de descendre. Mademoiselle n'est pas ici. Ah, c'est étrange. Tu disais? Écoute, ce qui s'est passé ici en cachette du vivant de Béate, et ce qui continue de se passer ici, je ne veux pas le savoir. Tu as été profondément malheureux dans ton mariage, et cela peut en quelque sorte te tenir lieu d'excuse. Ne m'interromps pas, ce que je veux dire, c'est que si cette vie commune avec Mademoiselle West doit continuer, il est absolument nécessaire que tu étouffes le scandale de ton revirement. Ce lamentable reniement auquel elle t'a entraîné. Laisse-moi parler. Je dis que puisque le mal est fait, pense et crois au nom du ciel tout ce que tu voudras, dans tous les domaines, mais garde tes opinions pour toi. Après tout, c'est une affaire purement personnelle. Il n'y a aucune nécessité à le crier sur les toits. C'est une nécessité pour moi que de sortir d'une situation équivoque. Mais tu as un devoir envers les traditions de ta famille, Rosmer. Souviens-t'en. Rosmersholm a toujours été un foyer d'ordre et de discipline. L'incarnation et le respect de l'ordre établi et des valeurs défendues par l'élite de notre société. Si le bruit se répand que tu as, toi, rompu avec ce que j'appellerais l'esprit des Rosmer, alors cela causerait un irrémédiable, un irréparable désordre. Mon cher Kroll, je vois les choses autrement. Je crois que mon devoir impérieux est d'apporter un peu de joie et de lumière là où les Rosmer ont engendré ténèbres et tristesse depuis si longtemps. Oui, digne tâche pour l'homme dont la lignée avec lui s'éteindra. Laisse tomber. Ce n'est pas un travail approprié pour toi. Tu es fait pour la vie ascétique du penseur. C'est bien possible. Mais je veux prendre part au combat de la vie, pour une fois, moi aussi. Ce combat, sais-tu ce qu'il sera pour toi? Une lutte à mort contre tous tes amis. Ils ne sont peut-être pas tous aussi fanatiques. Tu es un naïf, Rosmer. Un esprit candide. Tu ne soupçonnes pas la violence avec laquelle l'orage va s'abattre sur toi. Mademoiselle Fenwick. Qu'y a-t-il ? Il y a quelqu'un au bas qui voudrait bien dire un mot, pasteur. Mais c'est peut-être le même que celui d'hier soir. Non, c'est ce Mortensgord. Mortensgord ? Ah ah ! Nous en sommes là déjà. Que me veut-il ? Pourquoi ne pas l'avoir envoyé ? Mademoiselle m'a dit de demander s'il pouvait monter. Mais dites-lui qu'il y a quelqu'un déjà. Faites-le entrer, madame. Je cède la place provisoirement. Mais la bataille décisive, je ne l'ai pas encore livrée. Aussi vrai que je vis, Kroll. Je n'ai rien à voir avec Mortensgord. Je ne te crois plus. Sur aucun point. À tous égards, je ne te crois plus. Désormais, c'est la guerre. À couteau tiré, nous tâcherons de te neutraliser. Oh, Kroll, à quelle bassesse es-tu rendu ? Moi ? Et c'est un homme comme toi qui dit ça. Rappelle-toi, Béat. Tu y reviens ? Non. L'énigme du torrent. À toi de la résoudre selon ta conscience, s'il t'en reste une. Bon, le phare en personne, allumé à Rosmersholm. Comme ça, je n'ai plus de doute sur la direction à prendre. Le phare sera toujours allumé pour éclairer votre chemin de retour, proviseur. Il y a longtemps que vous manifestez votre bonne volonté, comme par exemple ce commandement qui nous dit de ne point porter de faux témoignages contre notre prochain. Monsieur le proviseur n'a nul besoin de m'enseigner les 10 commandements. Oh, pas même le 6e ? Kroll ! S'il en est besoin, le pasteur est sans doute mieux placé. Le pasteur ? Ah oui, incontestablement. Le pasteur Rosmer est sans doute le mieux placé pour cela. Profitez-en bien, messieurs. Dites-moi, monsieur Mortensgord, quelle raison vous amène ? En réalité, c'est mademoiselle West que je cherchais. Il m'a semblé que je devais la remercier de la bonne lettre que j'ai reçue d'elle hier. Je sais qu'elle vous a écrit. Avez-vous pu lui parler ? Oui, un peu. J'apprends que les opinions ont changé sur bien des points à Rosmersholm. Mes opinions ont beaucoup changé. Je dirais même du tout au tout. C'est ce qu'elle a dit, la demoiselle. Et c'est pourquoi elle a pensé que je devais monter en parler un peu avec le pasteur. Parler de quoi, monsieur Mortensgord ? Puis-je me permettre de relater dans le phare que vous avez changé d'idée et que vous avez rallié la cause de la liberté et du progrès ? Très volontiers. Je vous prie même de le faire. Alors, ça paraîtra demain matin. C'est une grande et importante nouvelle que le pasteur Rosmer de Rosmersholm pense pouvoir combattre pour la lumière. En ce sens-là aussi. Je ne vous comprends pas bien. Je veux dire que, pour notre parti, c'est un appui moral fort chaque fois que nous gagnons l'adhésion d'un chrétien sincère. Et vous ne savez donc pas ? Mademoiselle West ne vous a-t-elle pas dit que... Quoi donc, monsieur le pasteur ? La demoiselle avait sans doute trop à faire. Elle m'a dit de monter, que j'apprendrai le reste de votre bouche. Bien. Je vous dirai donc que je me suis totalement libéré, à tout point de vue. Je n'ai plus aucun lien avec les dogmes de l'Église. Ces choses ne me concernent plus le moins du monde, désormais. Eh bien, si la lune tombait du ciel, je ne pourrais pas être plus... Le pasteur en personne a perdu la peau. Oui, j'en suis arrivé là où vous êtes vous-même depuis longtemps. Vous pouvez l'annoncer dans le phare demain matin. Cela aussi. Non, monsieur le pasteur, excusez-moi, mais cet aspect de la question, mieux vaut ne pas l'aborder. Ne pas l'aborder ? Pas tout de suite, en tout cas. Mais je ne saisis pas. Oui, voyez-vous, monsieur le pasteur, vous n'êtes sans doute pas au courant de la situation, comme je le suis moi, j'imagine. Mais puisque vous ralliez la cause des libéraux, et si vous, comme l'a dit mademoiselle West, voulez prendre part au mouvement, alors vous avez sans doute le désir d'être utile à la cause autant que possible. Mais je le désire sincèrement. Bien, mais alors sachez, monsieur le pasteur, que si vous déclarez ouvertement avoir abandonné l'Église, vous allez aussitôt vous retrouver pieds et poings liés. Vous croyez ? Oui, vous pouvez en être sûr. Il n'y aura plus grand-chose à faire pour vous dans la région. Et d'ailleurs, des libres penseurs, nous en avons en suffisance, monsieur le pasteur. Je dirais même, nous en avons trop. Ce dont le parti a besoin, c'est d'éléments chrétiens. Quelque chose que tout le monde respecte. Voilà ce qui nous manque, surtout. C'est pourquoi le plus sage serait que vous gardiez secret tout cela qui ne regarde pas le public. Voilà, c'est mon opinion. Je vois. Vous n'osez pas vous compromettre avec moi si je proclame ouvertement mon reniement. Je n'ose pas, monsieur le pasteur. Ces derniers temps, je me suis fait une règle de ne jamais soutenir quiconque s'en prend à l'Église. Et seriez-vous donc vous-même retourné à l'Église ces derniers temps ? Ça, c'est une autre affaire. Ah, je vois. Alors, je vous comprends. Monsieur le pasteur, vous devriez vous rappeler que moi surtout, je n'ai pas une totale liberté d'action. Qu'est-ce qui vous entrave ? Ce qui m'entrave, c'est que je suis un homme marqué. Ah, je vois. Un homme marqué, monsieur le pasteur. Vous, surtout, vous devriez vous en souvenir, car c'est à vous, avant tout, que je dois être un homme marqué. Si à l'époque j'avais eu les opinions que j'ai aujourd'hui, j'aurais considéré votre faute avec plus d'indulgence. Je le pense aussi, mais aujourd'hui c'est trop tard. Vous m'avez marqué une fois pour toutes. Marqué pour toute la vie. Enfin, vous ne comprenez sans doute pas pleinement ce que cela implique, mais peut-être vous-même ressentirez-vous bientôt la douleur du fer, monsieur le pasteur. Moi ? Oui, car n'allez pas croire que le proviseur Kroll et son cénacle vous pardonneront pareille rupture. Et la gazette régionale sera féroce à ce qu'on dit. Vous pourriez bien devenir un homme marqué, vous aussi. Mais je me sens invulnérable en ce qui touche ma personne, monsieur Mortensgaard. Ma conduite est irréprochable. C'est un bien grand mot, monsieur le pasteur. Mais c'est bien possible. Mais j'ai le droit d'employer un si grand mot. Même si vous examiniez votre conduite aussi scrupuleusement que vous avez examiné la mienne un jour. Vous dites cela si étrangement. À quoi faites-vous allusion? À quelque chose de précis? À une chose précise, oui, une seule. Mais qui pourrait devenir assez fâcheuse si des adversaires retors en avaient vent. Auriez-vous l'obligeance de me dire ce dont il s'agit? Le pasteur ne peut le deviner lui-même? Mais non, absolument pas, en aucune façon. Bien, bien, je vais donc cracher le morceau. J'ai en ma possession une lettre étrange qui a été écrite ici, à Rosmersholm. La lettre de Mademoiselle West, voulez-vous dire, est-elle si étrange? Non, cette lettre-là n'a rien d'étrange. Mais j'ai reçu un jour une autre lettre, venant d'ici. Également de Mademoiselle West? Non, monsieur le pasteur. De qui, alors? De qui? De la défunte dame. De ma femme. Vous avez reçu une lettre de ma femme? Oui. Quand? Dans les derniers temps de la défunte, il y a un an et demi environ. Et c'est cette lettre qui est bien étrange. Vous savez sans doute que ma femme souffrait de troubles mentaux à l'époque. Oui, je sais, beaucoup de gens le croyaient, mais je n'ai rien remarqué de tel dans sa lettre. Quand je dis que la lettre est étrange, je l'entends d'une autre façon. Et qu'est-ce que ma pauvre femme a bien pu vous écrire? J'ai la lettre à la maison. Elle commence par dire à peu près ceci, qu'elle vit dans l'effroi et la terreur. Car il y a par ici, dans la région, beaucoup de gens méchants, écrit-elle, et ces gens-là ne pensent qu'à vous nuire et à vous faire du mal. À moi? Oui, c'est ce qu'elle dit. Et alors, vient ensuite le plus étrange. Dois-je l'évoquer, monsieur le pasteur? Et bien sûr, dites-moi tout, sans réserve. La défunte dame me prie et me supplie d'être magnanime. Elle sait, dit-elle, que le pasteur m'a fait perdre ma place d'instituteur, et elle me prie instamment de ne pas me venger. Mais comment imaginait-elle que vous pourriez vous venger? Il est dit dans la lettre que si des rumeurs me parvenaient, selon lesquelles des choses scandaleuses avaient lieu à Rosmersholm, je ne devais pas y ajouter foi, car c'était de vilaines langues qui répandaient cela pour vous rendre malheureux. C'est dans la lettre. Le pasteur pourra la lire lui-même à l'occasion. Mais je ne saisis pas. Que se figurait-elle de ces rumeurs? D'abord que le pasteur aurait renié la foi de son enfance. Cela, madame le niait énergiquement, à l'époque. Et ensuite... Ensuite, elle écrit, et c'est assez confus, qu'elle n'a pas connaissance d'une quelconque relation scandaleuse à Rosmersholm, qu'on ne lui a jamais fait du tort. Et si des rumeurs de ce genre devaient se répandre, elle me supplie de ne pas en parler dans le phare. Aucun nom n'est mentionné? Non. Qui vous a donné cette lettre? J'ai promis de ne pas le dire. Elle m'a été remise un soir à la tombée du jour. Si vous étiez renseigné sur le champ, vous auriez appris que ma pauvre femme, la malheureuse, n'avait pas toute sa raison. Je me suis renseigné, monsieur le pasteur, mais je dois dire que je n'ai pas eu vraiment cette impression. Vraiment? Mais pourquoi, au juste, me révélez-vous aujourd'hui l'existence de cette vieille lettre incohérente? Pour vous conseiller d'être extrêmement prudent, pasteur Rosmer. Vous voulez dire? Dans ma vie? Oui. Vous devez vous rappeler que vous n'êtes plus un homme à pouvoir reposer en paix, désormais. Ainsi, vous soutenez que j'aurai quelque chose à cacher? Je ne vois pas pourquoi un homme libéré renoncerait à vivre pleinement sa vie. Mais je le répète, soyez prudent à partir de ce jour. Si le bruit courait d'une chose ou d'une autre qui heurte les préjugés, vous pouvez être sûr que c'est tout le courant libéral qui en pâtirait. Adieu, pasteur Rosmer. Adieu. Et je vais à l'imprimerie faire publier la grande nouvelle dans le phare. Publiez tout! Je publierai tout ce que les braves gens ont besoin de savoir. Rebecca. Madame Elset! Mademoiselle West n'est pas en bas? Non, monsieur le pasteur, elle n'est pas ici. Rosmer? Quoi, tu étais dans ma chambre à coucher? Ma chère, que faisais-tu là? J'écoutais. Mais Rebecca, comment as-tu pu? J'ai pu, il a été si grossier à propos de ce peignoir. Ah, tu étais là déjà lorsque Kroll... Oui, je voulais savoir ce qu'il fomentait. Je te l'aurais dit. Tu ne m'aurais pas tout dit, et sûrement pas avec ces mots à lui. Alors, tu as tout entendu? Presque tout, je pense. J'ai dû descendre un instant lorsque Mortensgaard est arrivé. Et tu es remonté? Ne te fâche pas, cher ami. Fais tout ce que tu estimes juste et bien. Tu as toute liberté. Mais qu'est-ce que tout cela t'inspire, Rebecca? Oh, jamais je n'ai eu autant besoin de toi. Nous étions pourtant tous les deux préparés à ce qui devait arriver. Non. Non. Pas à ça. Pas à ça? Je pensais bien que tôt ou tard, nos belles et pures relations d'amitié seraient salies et suspectées. Par Kroll, non. De lui, jamais je n'aurais pu imaginer cela. Seulement des autres, de la multitude à l'esprit grossier et au regard abject. Tu vois, j'avais de bonnes raisons de jeter jalousement un voile sur notre alliance. C'était un secret dangereux. Quoi bon se soucier du jugement de cette multitude? Nous savons en notre âme et conscience que nous n'avons pas commis de faute. Moi? Exempt de faute? Oui, je le croyais. Hier encore. Mais maintenant? Maintenant, Rebecca? Eh bien, quoi maintenant? Mais comment m'expliquer la terrible accusation de Beate? Oh! Ne parle pas de Beate! Ne pense plus à Béat, tu avais si bien réussi à te détacher d'elle, elle qui est morte. Depuis que je sais, elle est comme à nouveau vivante à faire peur. Non, il ne faut pas, Rosmer, il ne faut pas. Il le faut, te dis-je. Il faut essayer d'aller au fond des choses. Comment a-t-elle pu en arriver à cette fatale méprise? Tu ne vas pas te mettre à en douter, elle était, pour ainsi dire, folle. Si, vois-tu. Précisément, je n'en suis plus si sûr. Et d'ailleurs, même si c'était le cas... Si c'était le cas, eh bien... Je veux dire, encore nous faudrait-il chercher la cause la plus probable qui a fait basculer dans la folie son esprit malade. Pas bon te perdre dans de pareils ressassements. Je ne peux pas faire autrement, Rebecca. Je ne peux pas me défaire de ce doute qui me ronge quand même, je le voudrais. Mais cela peut devenir dangereux, tourner ainsi constamment autour de cette chose pesante. Il faut que je me sois trahi d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'elle ait remarqué combien j'ai commencé à me sentir heureux dès lors que tu es venu chez nous. Oui, mes chers amis, même si c'était le cas... Tu vois, il ne lui a pas échappé que nous lisions les mêmes livres, que nous cherchions à nous retrouver pour parler de toutes les nouveautés. Mais je ne comprends pas. Je prenais tant de précautions pour l'aménager. Quand j'y repense, il me semble que j'aurais donné ma vie pour la tenir en dehors de notre relation. Ou bien je me trompe, Rebecca? Non, non, tu dis vrai. Et toi aussi. Et pourtant... Oh, c'est affreux d'y penser. Elle a donc été là. Elle, dans sa maladie d'amour, s'est tue et tue. Nous observons. Elle a tout vu et s'est méprise sur tout. Oh, je n'aurais jamais dû venir à Rosmer Solm. Oh, imaginez ce qu'elle a souffert en silence. Toute cette horreur qu'elle a cru pouvoir échafauder dans son cerveau malade et déversée sur notre compte. Elle ne t'a jamais rien dit qui aurait pu t'alerter. À moi? Crois-tu que je serais restée ici un jour de plus? Non. Non, c'est évident. Oh, le combat qu'elle a dû mener. Et toute seule, Rebecca. Désespérée et seule. Et pour finir, cette victoire poignante. Accusatrice dans le torrent du moulin. Écoute, Rosmer. S'il était en ton pouvoir de rappeler Beate à toi, à Rosmer Solm, le ferais-tu? Oh, est-ce que je sais ce que je ferais? Ne ferais pas. Je ne pense qu'à cette seule chose qui est irrévocable. Tu allais commencer à vivre, Rosmer. Tu avais déjà commencé. Tu te libérais de tous côtés. Tu te sentais si joyeux, si léger. Oui, c'est vrai. Et soudain, cette chose oppressante. Comme c'était délicieux d'être ensemble, là-bas, dans le salon, à la tombée du jour. Lorsque nous nous aidions l'un l'autre à esquisser les plans d'une vie nouvelle. Tu voulais te plonger dans la vie vivante d'aujourd'hui, comme tu disais. Tu voulais aller d'une maison à l'autre, en autre, libérateur. Gagner à toi les esprits et les volontés. Faire de tous des aristocrates, partout à la ronde, élargissant le cercle peu à peu. Des aristocrates. Des aristocrates joyeux. Oui, joyeux. Car c'est la joie seule qui en oublie les esprits, Rebecca. Tu ne crois pas que la douleur aussi, la grande douleur. Oui, à condition de pouvoir la dominer, la dépasser, la surmonter. C'est cela que tu dois faire. Mais surmonter cela, jamais je ne le pourrai. Entièrement. Toujours subsistera un doute, une question. Je ne parviendrai jamais plus à savourer ce qui rend la vie si merveilleuse, si délicieuse à vivre. De quoi parles-tu, Rosmer ? De la paix et la joie de l'innocence. Oui. L'innocence. Et comme elle s'est entendue à tout combiner ! Quel esprit de système dans l'agencement ! D'abord, elle commence par douter de ma foi. Comment l'idée lui en est-elle venue à l'époque ? Mais elle l'a eue. Et c'est devenu une certitude. Et après ? Oui. Après, il lui a été si facile d'échafauder tout le reste. Oh ! Toutes ces pensées tenaces. Je ne m'en débarrasserai jamais. Je le sens bien. Je le sais. Soudainement, elles viendront me harceler et me rappeler la morte. Comme le cheval blanc de Rosmer Saul. Exactement. Galopant dans l'obscurité, dans le silence. Et à cause de cette funeste chimère, tu vas laisser filer la vie vivante que tu allais enfin saisir. Ah oui, tu as raison, c'est cruel. Cruel. Mais il n'est pas en mon pouvoir de choisir. Comment pourrais-je surmonter cela ? En te créant de nouvelles relations. De nouvelles relations ? Oui. De nouvelles relations avec le monde extérieur. Vivre, agir, travailler. Ne pas rester là à ressasser des énigmes insolubles. De nouvelles relations. Une question me vient à l'esprit, Rebecca. Tu ne t'es pas posé cette question ? Dis-moi, quelle question ? Comment va tourner notre relation, désormais ? Je pense que notre amitié durera, quoi qu'il arrive. Non, mais ce n'était pas précisément ce que je voulais dire. Mais ce qui, dès le début, nous a rapprochés. Ce qui nous lie si intimement l'un à l'autre. Notre commune croyance en la possibilité d'une vie pure entre hommes et femmes. Oui, oui, eh bien ? Je crois qu'une telle relation, comme la nôtre, donc, il lui faut, pour s'épanouir, une vie heureuse. Et paisible. Et alors ? Or, maintenant s'ouvre devant moi une vie de combat, et de tumulte, et de sensations fortes, car je veux vivre ma vie, Rebecca. Je ne me laisserai pas abattre par de sinistres menaces. Je ne me laisserai pas dicter le cours de ma vie, ni par les vivants, ni par quelqu'un d'autre. Non, non, ne te laisse pas faire, sois un homme libre, Rosmer. Mais sais-tu à quoi je pense ? Tu ne le sais pas ? Ne vois-tu pas comment je pourrais me libérer de tous les souvenirs qui me rongent, de tout ce passé qui me pèse ? Dis... En leur opposant une réalité nouvelle, une vivante réalité. Une vivante, qu'est-ce que c'est ? Rebecca, si je te demandais maintenant, veux-tu être ma seconde femme ? Bon, essayons. Nous deux ne ferons qu'un. Il ne doit plus y avoir ici la place vide laissée par la morte. Moi, à la place de Béate. Ainsi, elle sort de scène, disparaît pour toujours. Tu le crois, Rosmer ? Il le faut. Il le faut. Je ne peux pas. Je ne veux pas traverser la vie avec un cadavre sur le dos. Aide-moi à m'en libérer, Rebecca. Étouffons tous les souvenirs dans la joie, dans la liberté, dans la passion. Tu seras pour moi la seule femme que j'ai jamais eue. N'y reviens plus ! Je ne serai jamais ta femme. Quoi, jamais ? Tu ne crois pas que tu pourrais m'aimer ? N'y a-t-il pas déjà une touche d'amour dans notre amitié ? Ne dis pas ça, Rosmer. Ne dis pas des choses pareilles. Si, si, il y a quelque chose en germe dans notre relation. Je l'ai bien vu sur ton visage que tu le sens aussi, n'est-ce pas, Rebecca ? Écoute-moi, je te le dis. Si tu continues, je quitte Rosmer Solm. Quitter? Toi? Mais tu ne peux pas, c'est impossible. Il est encore plus impossible que je devienne ta femme. Jamais de la vie, je ne pourrai. Ne pourrai, dis-tu? Et tu le dis d'un air si étrange. Pourquoi ne le peux-tu pas? Cher ami, dans ton intérêt, comme dans le mien, ne me demande pas pourquoi. Voilà, Rosemar. Désormais, je n'aurai pas d'autre question que celle-là. Pourquoi? Alors, c'est fini. Entre toi et moi? Oui. Jamais nous n'en finirons, nous deux. Jamais tu ne quitteras Rosemar Solm. Non, sans doute. Mais si tu t'obstines à me questionner, il y aura tout de même un point final. Un point final? Comment? Parce qu'alors, je prendrai le même chemin que Beat. Voilà. Tu le sais, Rosemar. Rebecca. Voilà. Tu le sais. Qu'est-ce que cela veut dire ?